Saviez-vous que les dauphins, outre le fait d'être l'ami des enfants bien entendu, ont cette particularité de boire l'urine de leur partenaire pour connaître son état de fécondité? Saviez-vous également que sur les 18 000 nouvelles espèces découvertes l'an dernier, il y a un coléoptère qui fait du stop en profitant de l'abdomen des fourmis pour se déplacer? Et saviez-vous enfin que la première nation spatiale a un chef d'état autoproclamé qui va réunir dans les prochains jours son parlement à Vienne pour l'introniser? Non, vous ne rêvez pas, vous écoutez bien la méthode scientifique. Intelligence sociale, des dauphins, nouvelles espèces, animales et nations spatiales. Ce sont quelques-uns des sujets que nous allons développer dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour développer ces sujets riches et variés, une espèce bien répertoriée dans la phylogénie humaine, celle du vulgarisatus scientificus et ses dignes représentants. Bonjour Cécile Lestienne. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Directrice de la rédaction de Pour la Science. Bonjour Olivier Lascar. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Chef du pôle numérique de Sciences et Avenir et celui dont vous ne voulez absolument pas savoir ce que contiennent les vivariums dans sa chambre à coucher, Pierre Carnard, bonjour. Bonjour. Auteur de Moi Parasite aux éditions Belin et du blog Strange Stuff and Funky Things. Mais avant cela, comme chaque vendredi, elle est à l'actualité scientifique. Ce que Oum le dauphin était célèbre marque de chocolat blanc. Et vous avez toujours le sens de l'accroche en cette fin de saison, c'est incroyable. Nicolas. L'épuisement est absolu. Bonjour sur l'espèce, c'est le journal des sciences. Le journal des sciences. Allez, un peu de sérieux, on consacre notre premier sujet à l'addiction aux jeux vidéo, qui a été formellement reconnue lundi dernier comme une maladie mentale par l'Organisation Mondiale de la Santé, au même titre que l'addiction à la cocaïne ou aux jeux d'argent, une classification qui a évidemment suscité beaucoup de débats au sein même de la communauté scientifique. Le trouble du jeu vidéo, c'est son nom, a intégré la 11e version de la classification internationale des maladies, dont c'est la première mise à jour globale depuis les années 90, mais cette reconnaissance suscite, depuis qu'elle a été évoquée, ça date déjà d'automne dernier, beaucoup de critiques. Déjà en décembre 2017, 26 chercheurs internationaux spécialisés en addictologie publiaient une lettre ouverte pour fustiger cette décision de l'OMS, arguant que l'état de la recherche en science aujourd'hui ne permet pas de prouver l'existence d'une telle maladie. On peut parler d'abus aux jeux vidéo, estime-t-il, mais pas de dépendance au sens scientifique du terme. Jean-Paul Tassin est neurobiologiste, il est directeur de recherche émérite à l'INSERM, chercheur à l'université de Paris-Sorbonne. Il est aussi de cet avis, il nous explique pourquoi l'OMS utilise selon lui une acception abusive du terme addiction. L'origine du mot addiction, c'est qu'au départ, on a considéré qu'il y avait un certain nombre de produits qui sont bien connus, l'amphétamine, la cocaïne, la morphine, l'héroïne, qui déclenchent une pharmacodépendance, c'est-à-dire le besoin de reprendre du produit de façon systématique. Et ça, sur le plan neurobiologique, ça va modifier le fonctionnement du système nerveux central. Cette réactivité modifiée des systèmes neuromodulateurs, noradrénaline, sérotonine entre autres, elles perdurent plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc ça, c'est de l'addiction. Et dans ce cas-là, effectivement, il s'agit d'une certaine façon d'une maladie mentale. Ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où l'on retrouve chez certaines personnes des comportements qui peuvent être assimilés à des comportements de pharmacodépendance, eh bien on a tendance à dire que ça devient une addiction, sans l'avoir prouvé. Il y a un élément qu'il faut connaître, c'est que les produits comme la cocaïne, la morphine, qui induisent des pharmacodépendances, elles ne le font que chez une dizaine ou une douzaine de pourcents des consommateurs. Alors maintenant, la question, c'est est-ce que le fait de s'adonner à des jeux vidéo va entraîner cette modification sur un pourcentage d'individus qui dépasse les 1%? Et ça, c'est extrêmement peu probable. L'addiction sans produit qui est reconnue, c'est le joueur pathologique, le joueur d'argent, ceux qui jouent au casino, etc. Parmi ceux-là, il n'y a qu'un pour cent qui sont effectivement pathologiques. Et qui plus est, on s'aperçoit que parmi ces 1%, la plupart sont déjà des gens qui sont soit alcoolodépendants, soit tabacodépendants. On retrouve à peu près le même problème avec les jeux vidéo. Même s'il y a quelques individus qui utilisent la vidéo de façon excessive, rien ne prouve que ça soit le jeu qui ait déclenché l'addiction. Et il est en effet assez intéressant de noter que pour définir ce trouble lié aux jeux vidéo, l'Organisation mondiale de la santé établit une liste de critères non pas scientifiques mais cliniques. Voilà, ces critères, je vous les donne. Un comportement lié à la pratique des jeux vidéo ou des jeux numériques qui se caractérise par une perte de contrôle sur le jeu, une priorité accrue accordée au jeu, au point que celui-ci prenne le pas sur d'autres centres d'intérêt et activités quotidiennes, et par la poursuite ou la pratique croissante du jeu en dépit de répercussions jugées dommageables par le sujet. Pour établir le diagnostic, ce comportement doit avoir des conséquences sur les activités personnelles, familiales, sociales, éducatives, professionnelles et en principe se manifester clairement sur une période de moins 12 mois. Voilà. Alors il n'est pas question ici de critères, je veux dire, neurologiques avec par exemple des preuves en termes d'imagerie, et d'où cette espèce de levée de bouclier notamment outre-Atlantique de la part des chercheurs. Mais pour Bruno Rocher, psychiatre spécialisé en addictologie au CHU de Nantes et membre de l'Institut fédératif des addictions comportementales, la polémique n'a pas lieu d'être et cette reconnaissance est pour lui bienvenue. Scientifiquement, la classification de l'OMS n'est pas une classification scientifique au sens de sciences dures qui permettent d'aller explorer le fonctionnement neurocognitif, par exemple, sur les sciences cognitives des patients, ou le fonctionnement neurobiologique, ou de faire de l'imagerie cérébrale. C'est vraiment une catégorisation clinique à destination des cliniciens, mais globalement, ils n'ont pas forcément besoin de ça pour leur pratique, mais justement, d'avoir une répertoriation clinique qui soit suffisamment stable pour faire secondairement des évaluations scientifiques qui permettent de comprendre plus finement, en termes de mécanismes neurobiologiques, les difficultés. Donc on est vraiment dans une question de serpent qui se mord la queue autour de la question de ces critères, parce que sans critères cliniques stables qui permettent de recruter un pool d'individus, de patients qui sont dans des difficultés qui sont homogènes, on ne peut pas aller faire des expérimentations ou des IRM par exemple, ou des imageries, qui aient un sens si on n'est pas sur un public stable. Après, moi, le propos que je tiens, c'est que sur les questions de jeux vidéo, on aura très probablement plus souvent des patients qui sont abuseurs en consultation que des patients qui sont dépendants. La question de la dépendance nécessite effectivement des critères tous présents, de manière très ancienne, avec une vraie incapacité du patient à revenir sur un fonctionnement plus simple. Ça, c'est des patients qu'on voit quand même en clinique. On en a quelques-uns. Si on met 1%, ou si même si on veut être, j'allais dire, optimiste et qu'on met 0,1%, on divise par 10, vu le nombre de joueurs qui sont dans nos populations, même si on tombe sur 40 000 personnes, ça reste une incidence et une problématique de santé qui est importante. Et à mon avis, il faut que l'on puisse organiser ça. Et l'OMS, qui dans cette 11e version de classification internationale des maladies, estime en revanche que la transidentité ne relève plus de la maladie mentale. L'incongruence de genre, c'est-à-dire le fait d'avoir le sentiment d'appartenir au sexe opposé, ne doit plus être considérée comme une maladie mentale. Cette décision a pour objectif de réduire la stigmatisation des personnes transgenres. Elle devra être validée par tous les pays membres de l'OMS en 2019. La nouvelle classification des maladies de l'OMS, qui a été révisée, comporte de nouveaux chapitres. En effet, un est consacré à la santé sexuelle et c'est dans ce chapitre qu'on retrouve l'incongruence de genre. Le virus géant Pandora Virus fabrique des nouveaux gènes et nous éclaire donc un peu plus sur l'origine de la vie. Une équipe française qui publie ses travaux cette semaine en Nature Communications a identifié 3 nouveaux membres de la famille des Pandora Virus, découverts en 2003, les Pandora Virus. Cette fois-ci, ils ont été trouvés à Marseille. Elle a comparé ces 3 nouveaux membres à 6 autres déjà connus. Environ 500 gènes ont l'air de constituer le socle de ce qui fait cette famille. Tout le reste sont des gènes qui sont variables d'une souche à l'autre et qui continuent d'augmenter au fur et à mesure de la découverte de nouveaux virus. La seule hypothèse possible, concluent les chercheurs, c'est qu'ils ont été créés, qu'ils sont apparus in situ dans ce génome et des novos, c'est-à-dire à partir d'aucun gène qui préexistait à cette espèce de virus. Une hypothèse assez révolutionnaire donc, qui a été publiée dans Nature Communications. Et la maladie de Lyme a touché plus de personnes en 2016 et reste toujours assez mal diagnostiquée. Le nombre de personnes qui souffrent de cette maladie, qui est transmise par les tiques porteuses de la bactérie Borrelia, qui est responsable de problèmes cutanés, neurologiques, articulaires et plus exceptionnellement cardiaques ou oculaires, a augmenté en 2016. C'est ce qu'indique l'Agence Santé Publique France, qui explique sans doute ce nombre grâce à une plus forte médiatisation de la pathologie cette année-là, et qui rappelle qu'en dépit de mise sur le marché de 2 types de tests diagnostiques, ceux-ci peuvent générer à la fois des faux positifs et des faux négatifs. Le diagnostic de la borréliose de Lyme ne repose pas uniquement sur des résultats de sérologie, mais bien sur un faisceau d'arguments cliniques, épidémiologiques et biologiques. Deuxième sujet de ce journal des sciences, une équipe internationale est parvenue à observer un nouveau type de trou noir déterminant pour mieux comprendre l'univers, un trou noir de masse intermédiaire. Et ce trou noir intermédiaire, c'est le chaînon manquant entre les trous noirs stellaires qu'on connaît bien, de quelquefois la masse du Soleil qu'on trouve, qu'on observe dans toutes les galaxies, y compris la nôtre, et des trous noirs dits supermassifs, de quelques millions à quelques milliards de fois la masse du Soleil, qu'on peut trouver au cœur de galaxies comme la Voie lactée. Une équipe internationale avec de nombreux chercheurs de l'IRAP et de l'Observatoire astronomique de Strasbourg a réussi réussi à en observer un alors qu'il était en train d'avaler une étoile. Évidemment, c'est comme ça qu'on peut l'observer. Et cela en épluchant l'immense catalogue des données recueillies par l'observatoire XMM Newton de l'ESA. C'est ce que m'expliquait Didier Barré. Il est chercheur au CNRS et c'est l'un des co-auteurs de cet article. Les trous noirs stellaires, c'est généralement, sont dans des systèmes binaires, c'est-à-dire des systèmes à deux étoiles. Et ils sont alimentés de manière continue par les étoiles compagnons. Donc on les voit comme de puissantes sources de rayons X pendant très longtemps. Donc ils sont faciles à découvrir. Les trous noirs supermassifs, eux, ils sont alimentés par toute la matière qu'il y a autour d'eux, au centre des galaxies. Donc vous avez beaucoup d'étoiles, vous avez beaucoup de gaz, et c'est là où vous avez la plus grande densité de matière dans les cœurs des galaxies. Alors eux aussi, ils peuvent se révéler de puissantes sources de rayons X parce qu'ils sont alimentés. Les trous noirs de masse intermédiaire, eux, peuvent être dans des régions où il n'y a rien. Donc on ne les verra pas. Donc pour les voir, il faut un peu de chance. Il faut que quelque chose s'en approche. Là, ce qui s'est passé, c'est que ce trou noir de masse intermédiaire, il a eu la chance qu'une étoile s'en approche. En fait, elle va être complètement engloutie. D'abord, elle va être déformée par des effets de marée, elle va devenir une gigantesque crêpe, et puis elle va alimenter le trou noir, et donc le trou noir va se mettre à émettre une quantité importante de rayons X. L'important, c'est qu'on en connaît très peu. C'est là que notre observation est très importante, parce que à partir de quelques objets, on peut extrapoler la population globale de trous noirs de masse intermédiaire et voir si cette extrapolation est consistante avec un canal de croissance des trous noirs supermassifs efficace. En bref, le président américain Donald Trump a annoncé cette semaine vouloir constituer une nouvelle branche des forces américaines, une sixième branche qui serait la Space Force. Ou force spatiale, et elle serait tout à fait indépendante des autres forces militaires. Rappelez-vous, plus tôt cette année, Donald Trump avait déjà évoqué cette Space Force en comparant l'espace à une zone de combat, de la même manière que la Terre, le ciel ou la mer. La force spatiale devra néanmoins évidemment obtenir l'aval du Congrès américain, mais elle inquiète déjà, puisque le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de Russie, Maria Zakharova, a mis en garde contre une militarisation de l'espace qui pourrait avoir, je cite, des conséquences non moins néfastes que la course à l'armement nucléaire. Et pour conclure, comme chaque semaine, par notre rubrique de science improbable, on parle d'abeilles tueuses. Mais oui, des abeilles tueuses, c'est l'avant-dernière de l'année, Nicolas Martin. Je connais votre goût pour le cinéma de genre et pour les nouvelles scientifiques saignantes. Et donc, j'avais envie de parler de ces petites abeilles qui tétanisent littéralement les Américains. Imaginez-vous des centaines d'abeilles qui vous poursuivent sur des kilomètres entiers, qu'il s'agisse d'ânes, qu'il s'agisse de poneys, qu'il s'agisse de poules ou qu'il s'agisse tout simplement d'un couple de vieux Texans, comme c'est arrivé il y a quelques mois. Pourquoi ces abeilles vous poursuivent-elles? Pourquoi sont-elles aussi méchantes? Réponse cette semaine grâce à des chercheurs brésiliens qui ont réussi à disséquer le cerveau de ces killer bees. Sachez qu'elles sont issues d'un croisement entre les abeilles européennes et les abeilles africaines, d'où leur nom, abeilles africanisées, pas très sympathique. Comment ce croisement a-t-il eu lieu? Eh bien, c'est tout à fait Jurassic Park. En 56, le gouvernement brésilien importe 49 reines d'abeilles africaines afin d'améliorer la résistance des abeilles à miel européennes qui sont victimes de maladies, qui ont du mal avec le climat brésilien. Histoire qu'on connaît. Et c'est une histoire donc tout à fait particulière parce que tout va bien jusqu'à ce que 10 ans plus tard, des essaims, 26 essaims précisément, s'échappent du centre et commencent à coloniser toute l'Amérique du Sud. Alors, il faut savoir que parmi ces abeilles croisées, toutes ne sont pas féroces. Il n'y a que certains individus, 10% seulement, eh bien, qui sont très méchantes. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on retrouve chez ces abeilles l'allostatine et la tachychinine. Dans le cerveau de tous les insectes, on retrouve ces deux protéines. Mais chez ces tueuses, eh bien, elles interagissent et forment des neuropeptides qui jouent le rôle de modulateurs dans le cerveau. Et ces derniers seraient les déclencheurs de ce comportement d'hyperagressivité. Et bien voilà, ça nous fait une belle jambe. On sait pourquoi. Alors, qu'est-ce qu'on fait face à elle? Eh bien rien, on court. Voilà. On plonge dans le lac d'à côté, comme d'habitude, Pierre Carnard. Forcément, les abeilles tueuses, forcément. Bah non, pas du tout. Alors, moi, j'étais beaucoup plus inspiré par les parasites. Vous m'avez parlé de Pandoravirus, vous m'avez parlé de tiques. C'est quand même un sujet qui va me titiller ma curiosité. Et surtout celui des Pandoravirus, qui est quand même assez fascinant. Mmh. Notamment la taille de leur génome et le fait que une des hypothèses serait qu'ils puissent générer leurs propres gènes. Ça laisse aussi penser que si on cherche bien, potentiellement, on va trouver peut-être des virus de virus, sachant que ces mêmes équipes avaient caractérisé un virus qui s'appelait Sputnik, qui était lui-même donc virophage, un parasite de virus aussi. Cécile Lestienne sur ces Pandoravirus, oui. J'ai rien à rajouter. La maladie de Lyme, je vois bien. Ok, alors la maladie de Lyme, allons-y. Parce qu'effectivement, c'est un vrai problème de santé publique, hein, parce que ça peut être très, très, très invalidant, la maladie de Lyme, quand elle n'est pas bien diagnostiquée. Il semble qu'effectivement, en France, beaucoup de gens ne soient pas bien diagnostiqués. Il y a plusieurs raisons. Nos tests ne sont pas toujours fiables. Certains le sont plus que d'autres. Les médecins ne connaissent pas toujours bien la maladie, notamment parce qu'elle est réputée pour être une maladie du nord-est de la France et que maintenant, on en trouve même en Corse. Voilà. Et puis aussi parce que la tique peut transmettre d'autres bactéries, et Pierre Calard va sûrement pouvoir en parler mieux que moi, qui peuvent provoquer des maladies qui ont un petit peu les mêmes symptômes, que les médecins connaissent encore moins. Et donc voilà, donc il y a beaucoup de chemin à faire. Mais je sais qu'à l'INRA, ils ont en ce moment une expérience de science participative pour essayer de trouver justement où les gens se font piquer. Et il semble d'ailleurs que dans les premiers résultats, c'est pas uniquement dans les forêts qu'on se fait piquer, mais parfois dans son jardin. Pierre, sur la maladie de Lyme. Alors, justement, sur les différentes pathologies qui peuvent être transmises par l'éthique, faut dire que donc, c'est quelque chose de tragique, la maladie de Lyme, mais il y a quand même une caractéristique des tiques locales en Amérique du Nord qu'on peut, d'une certaine manière, rassurer de ne pas avoir ici en Europe, c'est qu'il y en a certaines qui entraînent des réactions immunitaires qui rendent... d'une certaine manière allergique à la viande rouge et qui rend végétarien. Donc c'est une autre espèce de tique. Vous réglez vos 4 consciences écologiques, faites-vous piquer par des tiques aux États-Unis. Devenez végétarien. Un mot tout de même, moi je trouve ça assez intéressant. Je ne sais pas, Olivier, peut-être sur cette classification très très très controversée de l'OMS sur l'addiction aux jeux vidéo, question sur des critères qui ne sont effectivement pas des critères neurologiques, mais des critères cliniques. On entendait effectivement cette controverse. Alors c'est une décision qui était attendue, hein, puisque ça faisait quelques mois qu'on savait que l'OMS allait aller dans cette direction. Bon, et il faut, comme toujours, se garder d'un exercice de diabolisation des jeux vidéo, qui c'est un outil comme un autre, c'est un instrument comme un autre. Un marteau, c'est bien pour mettre un clou au mur pour accrocher son tableau, mais c'est pas bien pour taper sur la tête de son voisin. Les jeux vidéo, c'est pareil. J'ai rencontré cette semaine, sur C'est Avenir, organisé un événement autour des start-up, un ingénieur qui a travaillé 10 ans dans les jeux vidéo et qui maintenant a lancé sa société. Il travaille avec l'hôpital des 15-20 à Paris. Il a fait une appli qui relève de la mécanique du jeu vidéo. C'est une sorte de puzzle et c'est destiné à des gens qui sont atteints de DMLA, dégénérescence maculaire liée à l'âge. C'est en réseau avec les ophtalmos et en fonction des scores que font ces gens, on peut voir l'état d'avancée de la maladie et donc l'urgence ou pas de les convoquer dans le cabinet du médecin pour leur faire des injections. Donc on voit très bien que on est dans une application concrète très pertinente d'un média interactif qu'est le jeu vidéo, donc ça peut être super les jeux vidéo. Après, effectivement, quand on reste scotché devant sa console pendant des heures, il y a sans doute un problème. Cécile ? C'est sûr que les chercheurs, les médecins, les cliniciens doivent être très rigoureux sur le vocabulaire qu'ils emploient et s'entendre sur le vocabulaire qu'ils emploient. Dans le langage courant, on est très vite addict aux jeux vidéo, mais aussi à son smartphone. Ça, c'est beaucoup plus répandu. voilà. Et donc, ça peut quand même poser des problèmes. Là, je pense qu'effectivement, tout ça, ce sont des nouveaux outils aussi qui arrivent, qui se développent, qui prennent de plus en plus de place et dont il faut apprendre à se servir correctement. Et puis on peut aussi rappeler qu'on a cette espèce d'image d'épinal du joueur de jeux vidéo enfermé devant sa console à consommer des pizzas, etc. Or aujourd'hui, la sociologie des joueurs a complètement changé. D'ailleurs, il y a plus de joueuses que de joueurs, et notamment grâce aux jeux sur les téléphones portables qui sont des jeux vidéo. Et quand vous jouez à Candy Crush ou à d'autres choses, vous êtes peut-être addict aux jeux vidéo. Vous allez voir, c'est pas si grave que ça. Merci beaucoup Zoé, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et c'est l'été depuis hier, et là où, bien, comme chaque été, de célèbres magazines culturels en profitent pour appâter le vacancier avec un numéro spécial sexe, et bien pour la science, faites un pari différent, distinct, fait le pari dauphin, qui marche tout aussi bien sur le vacancier, mais pas tout à fait sur le même public, quoique, d'autant qu'il est également question de sexe dans ce dossier sur les dauphins, où l'on en apprend beaucoup plus, notamment sur leur intelligence sociale, Cécile. Oui, Effectivement, parce que c'est l'été, je ne vous cache rien, Nicolas. On a décidé de publier ce papier de Fabienne Delfour, qui est une écologue de Paris 13, et qui fait partie d'un groupe, le Wild Dolphin Project, qui étudie les dauphins aux États-Unis depuis plus de 30 ans. D'ailleurs, il y a deux ou trois autres groupes comme ça, similaires, qui étudient les mêmes dauphins, les mêmes chercheurs, les mêmes dauphins depuis 30 ans, donc ils finissent par bien se connaître. Et on apprend ainsi beaucoup de choses sur leur vie dans leur milieu naturel, parce que sinon, toutes les autres études sur les dauphins sont faites en delphinarium. Ça nous apprend des choses, mais pas toutes. Et alors, du coup, effectivement, c'est une collecte de plusieurs études sur un certain nombre d'années. Et qu'est-ce qui ressort en fait de ce regard croisé sur ces études qui ont commencé pour certaines depuis les années 60? Absolument. Eh bien, ça ne va pas être un scoop, les dauphins sont très intelligents. Voilà. Ça, c'est fait. Voilà. Merci, donc, et ils ont une vie sociale, effectivement, très, très, très complexe. Leur société, dans le milieu naturel, semble être sur un mode fusion-fission. C'est donc plusieurs mâles avec plusieurs femelles. C'est assez fluide, assez facile. On parle de société fluide. Voilà. En fait, souvent, ce qui se passe, c'est qu'un mâle, un jeune mâle, s'apparie avec un autre jeune mâle. Chez les dauphins, l'amitié, c'est pour la vie. C'est comme pour Montaigne. Et ils forment un groupe. Et puis, les femelles, elles, s'apparient plus en fonction de leur état ou de leur fonction dans le groupe. Les femelles gestantes entre elles, et les femelles avec leurs petits entre elles. Et puis après, ça varie en fonction de leurs amours et de leurs enfants. On pose souvent la question, quand on parle d'intelligence ou de cognition animale, d'un marqueur qui est la théorie de l'esprit, c'est-à-dire la capacité à projeter sur l'autre des émotions. Est-ce qu'on a des réponses sur cette question-là? Alors déjà, on a des réponses sur les dauphins ont-ils conscience d'eux-mêmes. Voilà, vous savez, c'est pour les enfants, on le fait avec ou les singes, on le fait avec le fameux test du miroir. Est-ce qu'ils se reconnaissent dans le miroir? Est-ce qu'ils sont capables de voir que la tache sur leur front, c'est sur leur front et pas sur la tache d'un confrère en face? Et alors là, pour le coup, en bassin, les dauphins se montrent assez forts à ce petit jeu. On a même vu des très jeunes dauphins, des 7 mois, s'apercevoir que c'était bien eux dans le miroir. C'est beaucoup plus jeune que chez les singes, par exemple. En revanche, dans le milieu naturel, les tests ne sont pas probants. Mais peut-être qu'on n'utilise pas les bons tests, parce que la vision, même s'ils ont une bonne vision, les dauphins n'ont pas leur sens le plus développé. Chez eux, c'est l'ouïe et l'ocolocation. Et donc, peut-être qu'il faudrait trouver un test qui utilise ce sens-là, plutôt que le sens de la vue, pour explorer plus avant leur conscience d'eux-mêmes. Il y a beaucoup de... On apprend beaucoup de choses aussi, justement, sur leur méthode de communication et avec une grande gamme d'outils de communication. Oui, notamment les sons, ils peuvent émettre trois types de sons. Ils font des clics d'écholocation. Attendez, hop. Des sifflements. Comme si on était, hein, c'était voilà. La puissance évocatrice de la radio. Allez-y. Et aussi des sons pulsés en rafale. Après, des couinements, des petits grincements là, que les dauphins utilisent, notamment dans des situations de conflit, mais aussi quand ils font la cour aux femelles. Et d'ailleurs, mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je ne sais pas du tout si chez les dauphins, l'amour et la guerre, c'est le même combat, je ne sais pas. Mais... Même si les dauphins adoptent la même posture, une sorte de posture en S, quand ils veulent attaquer un congénère ou un prédateur, ou quand ils veulent faire la cour à leur belle. Et c'est intéressant parce qu'on apprend aussi dans ce dossier, alors quelque chose moi, qui m'a fasciné, c'est que les plus proches cousins des cétacés sont l'hippopotame. Ça va pas de soi, excusez-moi. Les proches cousins terrestres, ce sont les hippopotames, effectivement, puisque les dauphins sont donc des odontocètes, comme on dit, donc des cétacés à dents. Ils descendent tous d'animaux terrestres qui sont retournés à la mer. C'est ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que ce sont des animaux terrestres qui sont effectivement... Oui, comme les baleines, voilà. Qui sont aussi des cétacés, comme les orques, comme les marsouins... Et il y a plein d'autres techniques aussi de communication. Il y a des communications, donc on a entendu évidemment sonores, mais il y a aussi les dauphins communiquent de façon tactile, visuelle et de façon chimique. Voilà. Ah ben vous vous débrouillez maintenant. Ben voilà. Oui. Moi je l'étais dans l'introduction, c'est à vous maintenant. On pensait que leur système olfactif était relativement obsolète, mais en fait il semblerait que non. En tout cas en passant on voit qu'ils sont capables de reconnaître le sucré, l'acide, du salé, de l'amertume. Ils préfèrent les glaçons au hareng qu'aux glaçons à rien. Enfin ça on peut comprendre aussi. Voilà. Et effectivement dans leur milieu naturel on s'aperçoit, on voit souvent des dauphins mâles, pas forcément mal, parce que suivre un congénère qui est en train d'uriner, et peut-être que chez les mâles, en tout cas, ça leur permet de savoir si la femelle est en état ou est proche d'être dans un état fécondable. Et se pose beaucoup sur, et puis ça, on en a beaucoup parlé à ce micro, dès qu'on commence à faire de l'éthologie aujourd'hui, on s'interroge beaucoup sur la notion d'émotion animale. Et là, que disent justement ces études à ce propos? C'est toujours très difficile de parler d'émotion chez les animaux, de la caractériser. Absolument, surtout dans leur milieu naturel comme ça. Mais bon, les chercheurs et qui suivent ces dauphins depuis 30 ans finissent par bien les reconnaître. Hein. Ils les reconnaissent vraiment. D'abord parce qu'ils étudient beaucoup les dauphins tachetés. Et en fonction des taches, ils les reconnaissent. En plus, ils les suivent à travers l'ADN qu'ils récupèrent sur leur fessée. Ils savent qui est le père de qui et la mère de qui. Enfin, donc voilà, ils ont une notion très, très proche. Ils font des études de personnalité aussi qui ressemblent beaucoup aux tests de personnalité qu'on fait chez les humains. C'est assez intéressant. Et où on s'aperçoit que les enfants sont plus curieux et plus joueurs que les adultes. Ça, c'est pas un scoop non plus, mais on peut en tout cas le constater. Et alors, est-ce qu'ils ont des émotions? Une des choses qu'on a pu tester, c'est est-ce qu'ils étaient plutôt verre à moitié vide, verre à moitié plein, ce qui pour un dauphin, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais piscine à moitié vide, voilà. Piscine à moitié pleine. Voilà. Et donc, ils ont fait une petite étude là en bassin. Ils leur ont appris à aller récupérer deux cibles. Et quand ils récupéraient la première cible, on les applaudit bien fort. Et quand on les récupère la deuxième cible, on leur donne un rang. Et très curieusement, ils apprennent assez vite à récupérer beaucoup plus vite la deuxième cible que la première. Voilà. Et quand on met la cible numéro 2, celle qui donne le hareng, dans un endroit un peu inhabituel, et du coup, on ne sait pas très bien ce qu'elle va donner, et bien là, on s'aperçoit que les dauphins ont des comportements très différents. Il y a ceux qui ont le sens du verre à moitié plein et qui se précipitent pour récupérer la cible, et ceux qui ont le sens du verre à moitié vide et qui vont voir ce qui se passe tranquillement. On a qualifié cette étude, on dit que les dauphins est un animal plutôt optimiste. Alors, est-ce que ça a un sens de parler d'un animal optimiste ? En tout cas, c'est un animal curieux qui a une vie sociale complexe et qui montre des comportements effectivement complexes. Vous disiez tout à l'heure qu'ils ont aussi des relations tactiles. Oui, on les voit avec leur nageoire pectorale. Pour les chercheurs, il semblerait que ça soit l'équivalent du grooming, enfin du toilettage chez les singes. On s'aperçoit qu'il y a des mères qui sont dauphins, qui sont plus ou moins autoritaires ou permissives avec leurs enfants, celles qui laissent leurs petits vagabonder et celles qui les pose au sol dès qu'ils sont autoritaires. Donc voilà, on observe même quelque chose que nous on pourrait interpréter comme des comportements de deuil. On voit des mères porter leurs petits longtemps quand leur petit est mort. Voilà. Mais alors voilà, quel sens de la mort chez les dauphins? Pour l'instant, on le sait pas encore. Il faut pas non plus surinterpréter. Mais comme il y a beaucoup d'autres études en ce moment, que ces études-là ne sont absolument pas finies, qu'ils ont mis au point notamment un nouveau système pour à la fois filmer à 360 degrés et en même temps enregistrer les sons des dauphins, ils commencent à apprendre de plus en plus de choses sur leur communication. On commence aussi à poser des balises, on commence aussi à les observer avec des drones. Donc d'ici quelques années, on peut revenir en reparler. Un mot, c'est toujours effectivement un très difficile de ne pas céder à la tentation de l'anthropomorphisme quand on étudie la cognition et qui plus est les émotions animales. Un mot, Pierre, sur ces études autour sur les dauphins en règle générale. De manière générale sur les dauphins, moi ce qui m'a fait rigoler, c'est un petit peu votre réaction de surprise vis-à-vis de justement des parentés entre hippopotames et cétacés, parce que c'est un des sujets qu'on développe très fréquemment en première année de licence, dans lequel on confronte ça pour pouvoir expliquer le phénomène de convergence évolutive avec un autre mammifère qui est retourné à la mer, le lamantin et les dugongs, qui eux, pour leur part, ont comme plus proches parents les éléphants. Et du coup, on a justement des organismes qui sont vraiment très peu apparentés, sont assez distants dans l'arbre des mammifères, et on s'aperçoit qu'il y a tout un panel de pertes de membres, de comportements qui peuvent être abordés dans ce retour maritime. Et donc, je me demande si ce ne serait pas pertinent justement de comparer la situation chez les lamantins, chez les dugongs, avec ceux des dauphins, et pour voir s'il y a encore aussi au niveau de la cognition, d'autres choses à... À mon avis, ça va intéresser les chercheurs. C'est assez sympa de passer déjà 100 jours par an à plonger avec les dauphins, alors pourquoi pas avec les lamantins. Lamantins, on en parlait dans l'émission de mardi consacrée à la mangrove, puisqu'ils sont notamment menacés par la destruction de la mangrove, qui est leur habitat naturel. Un mot sur les dauphins, Olivier? Par contre, c'est très mignon. C'est très mignon, alors on dit jamais que c'est très libidineux aussi comme animal. Hein. Et voilà. Il y a des histoires terribles. Je pensais qu'on allait éviter ça, et bien non, allons-y. Mais il y a une limite un petit peu de harcèlement auprès des plongeurs, il y a des récits. On avait interviewé il y a quelques années à Sciences et Avenir le spécialiste du côté de Perpignan, du côté de Banyuls, qui s'était occupé de ce dauphin qu'on appelait Dolphy, qui était du côté de Collioure, qui a vécu des années là-bas, qui est mort maintenant. Et c'était une femelle, et le spécialiste nous disait qu'elle avait l'habitude de se frotter aux chaînes des bouées. Mais il semble que les dauphins aiment vraiment la compagnie des hommes, parce que la chercheuse Fabienne Delfour commence son article en racontant comment il y a déjà une vingtaine d'années, elle avait plongé avec des dauphins, et c'était deux mères et leurs petits, et puis les mères sont parties et ont laissé les petits aux humains, ce qui était quand même assez incroyable. Elles avaient trouvé des bons babysitters, donc voilà. Et on observe même si on n'en connaît pas la raison, des dauphins, vous savez, qui aident les pêcheurs, qui rabattent les bancs de poissons vers les filets pour aider les pêcheurs à pêcher, donc... Voilà, c'est nos meilleurs amis les dauphins. Nos meilleurs amis, ne seraient-ils pas libidineux? Finalement, si proche de l'homme, pourquoi pas être un peu... Bref, et puis peut-être un mot pour vous dire que si les dauphins sont nos meilleurs amis, plutôt tendance à éviter les parcs aquatiques qui sont en général des endroits où les animaux ne sont pas très heureux. Donc il faut plutôt éviter d'aller les financer. Absolument, même si c'est à travers eux qu'on a pu faire une partie de ces recherches. Et puis parce qu'on ne peut pas remettre dans l'océan les dauphins actuels aujourd'hui, mais ce n'est pas une raison pour continuer. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Sur Festuaire de Django Django sur France Culture à 16h33. C'est notre vendredi tour de table ronde consacré à l'actualité des sciences et de la recherche. Après avoir parlé des dauphins, bien vous constatez qu'il y a donc les gens normaux comme vous et moi qui aiment les dauphins, les petits chats, les chiens, les chevaux éventuellement. Et puis les animaux mignons en quelque sorte. Puis il y a Pierre Kerner qui est une autre espèce qui lui aime les animaux plutôt les parasites, les vers, les organismes étranges, de préférence un peu visqueux. C'est une réalité. Toujours. Voilà. Et Pierre, vous êtes venu nous parler d'un top 10 des nouvelles espèces découvertes l'an passé. Oui, vous vous souviendrez peut-être que j'avais déjà fait une chronique il y a quelques années ici sur la méthode scientifique sur ce fameux top 10 qui est donc annuel, organisé par le College of Environmental Science and Forestry, le SF, et l'International Institute for Species Exploration, l'ILISE, qui dévoile donc chaque année, au moment de la date de l'anniversaire de Carl von Linné, une 10 espèces qui ont été caractérisées dans l'année qui vient de s'écouler et qui permettent un peu de se rendre compte, bah, d'une certaine manière déjà, de quels sont l'état de la biodiversité, de parfois sonner un petit peu la sonnette d'alarme justement sur cette biodiversité, parce que un des mantras qui est donné chaque année, c'est que autant on arrive à caractériser de nouvelles espèces, près de 18 000 espèces par an, autant c'est absolument rien par rapport au nombre d'espèces qui disparaissent chaque année, et donc on perd au change de cette biodiversité qui ne reste pas caractérisée et qui pourrait pourtant apporter énormément d'informations, et si on a envie d'en mettre une dimension économique, à travers le biomimétisme pourrait nous aider aussi pour pouvoir apporter énormément de choses à l'humanité. L'anniversaire de Carl von Linné, donc c'est le 23 mai, c'est Carl von Linné qui est à l'origine de la nomenclature binomiale qui est utilisée encore aujourd'hui pour caractériser les espèces. Exactement. Encore une fois, pour les licences, on leur apprend ce genre de choses très très rapidement pour pouvoir justement caractériser les espèces. On a un nom de genre qui prend une majuscule, l'intégralité est en italique, et un nom d'espèce spécifique à l'espèce et qui doit sonner latin, c'est-à-dire qu'on lui donne une consonance latin. Ce qui est intéressant et peut-être un petit peu amusant, c'est que depuis pas mal d'années, même depuis Carl von Linné, certains taxonomistes, donc ceux qui donnent ces noms d'espèces aux nouvelles espèces caractérisées, s'amusent de temps en temps à nommer des espèces en fonction de leur humeur. Il y a par exemple une espèce qui malheureusement a perdu son nom à travers des déboires de taxonomistes, mais qui s'appelait Abracadabra. On a une pyrale de mémoire dont le genre s'appelle La. Et du coup, le nom d'espèce, c'est Cucaracha, ça vous donne la Cucaracha. Vous avez Riga, Tony, enfin, énormément d'espèces comme ça qui peuvent avoir des noms intéressants, et dont certains qui font partie de cette liste des 10 espèces actuelles. Et alors, juste un mot tout de même, c'est intéressant sur, parce que c'est aussi effectivement une occasion de recension de la biodiversité. Pour rappeler que, donc, si on découvre encore, vous l'avez précisé, 18 000 nouvelles espèces chaque année, il reste encore vraiment, enfin, l'estimation du nombre d'espèces à découvrir est gigantesque. Ah oui, on sous-estime très très certainement l'intégralité des espèces si on prend uniquement celles qui ont été répertoriées à l'heure actuelle, ce qui avoisine les 2,3 millions d'espèces, quand même assez, assez colossal, avec pour la très très grande majorité un nombre d'espèces caractérisées chez les arthropodes, c'est-à-dire essentiellement les insectes, mais aussi les crabes, les crustacés, etc. Mais il y a des travaux d'estimation qui ont été faits justement pour pouvoir essayer de se rendre compte de la diversité, et on estime que c'est probablement 10 fois plus qui existerait sur notre planète. Et alors, ce top 10, c'est toujours très à la mode, le 8e va vous surprendre, etc. En fait, sur quelle base? Non mais c'est... c'est un peu ça. Je ne fais pas de la chronique putaclic. En vrai, non mais en fait, pourquoi, enfin, quelles espèces sont sélectionnées? Comment est-ce qu'il est composé, ce top 10? Alors, il y a un panel de chercheurs et de taxonomistes qui se penchent sur la question et qui essayent en fait de choisir ces espèces sur différents critères, mais généralement c'est pour aller dans différentes considérations annuelles. Justement sur ce qu'a apporté ces lots de 18 000 espèces caractérisées. Par exemple, vous avez ici une espèce de orang-outan qui s'appelle Pongo tapanuliensis, qui a été caractérisée, dont la population avoisine seulement 800 individus et immédiatement est donc en voie d'extinction. Ce genre de caractéristiques, ce genre de découverte permet de se rendre compte un petit peu du métier de taxonomiste, d'ouvrir un tout petit peu l'esprit généralement aux médias de ce que c'est que ce travail-là, en quoi il est important, et aussi d'une certaine manière de rappeler que s'il n'y a pas de recherche sur la taxonomie, il n'y a pas de nouvelles espèces qui sont dévoilées, et nécessairement, on peut dormir sur les deux oreilles si on ne voit pas et qu'on garde justement des œillères. Et d'autant que c'est là pour le coup, effectivement, il y a un orang-outan dans la liste, c'est rarissime parce que déjà d'une, c'est un grand singe, c'est un primate, et par ailleurs, on en découvre assez peu, et on découvre assez peu de grosses bêtes entre guillemets, c'est-à-dire des mammifères, des vertébrés, c'est plutôt souvent effectivement des arthropodes, des poissons, des batraciens beaucoup aussi, des invertébrés. Exactement, généralement quand vous avez une grosse espèce qui apparaît, soit c'est une espèce fossile, il y a une espèce fossile là parmi les 10 espèces, justement pour rappeler qu'il y a un intérêt parmi les nouvelles espèces, il y en a certaines qui sont fossiles, mais ici quand vous avez une grande espèce, il y a un exemple aussi d'un arbre qui fait 60 tonnes, donc généralement c'est difficile à louper, c'est que tout simplement les taxonomistes se sont intéressés à des populations particulières de ces espèces-là pour pouvoir vérifier s'il s'agit d'une population d'une espèce qui existe déjà ou si véritablement elle est assez distincte. Pour ce travail-là sur l'orang-outan, ça a été caractérisé notamment à travers des études comportementales, morphologiques et génétiques qui ont permis même d'estimer à quel moment cette branche d'arbre des orang-outans s'est séparée du reste et c'est, je crois, daté à plus de 3 millions d'années. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas vraiment découvert de nouveaux orang-outans. On pensait que c'était des orang-outans qui faisaient partie d'une famille ou d'une espèce qu'on avait déjà caractérisée. Et en fait, on s'est rendu compte, en poussant les analyses, que c'était une branche distincte. Si ce n'est que les observations étaient très, très, très difficiles. La première fois que ces populations étaient aperçues, c'était en 1939. Et il y avait véritablement une observation d'une population d'orang-outans dans un endroit de l'île de Sumatra. Et c'était juste, ils se sont dit, ah bah dis donc, cette population est allée vachement loin au sud de Sumatra pour pouvoir se répandre ici. Il a fallu plusieurs observations et notamment l'obtention d'un squelette après justement une confrontation entre humains et un orang-outan de cette espèce pour pouvoir justement apporter du matériel et notamment permettre la comparaison morphologique à travers par exemple l'étude des crânes. Alors ça c'est pour les orang-outans, il y a d'autres espèces, vous avez parlé de l'arbre, il y a une espèce, vous en direz d'ailleurs un mot, de ce lion marsupial qui est éteint, et puis il y a évidemment un coléoptère parasite. Ah bah, il le fallait. Je suis content justement parce que je ne savais pas quelle serait la sélection de cette année de ces 10 espèces. Et il s'avère que dans le livre que j'ai écrit, Moi Parasite, j'ai inclus un exemple d'une espèce caractérisée en 2017, qui est un petit coléoptère, un minuscule coléoptère qui s'appelle Nymphister chronoeiri, d'à peine 1,5 mm de long. Et il a été très très difficile à identifier puisque en fait, il a la particularité de vivre, on dit que c'est une espèce myrmécophile, au sein d'espèces donc myrmeco, ça veut dire fourmi. Il vit au sein de colonies de fourmis légionnaires qui ne font pas des fourmilières à part entière, mais qui sont donc ils forment des bivouacs, restent de 2 à 3 semaines sur un territoire et puis après font des raids pour récupérer de la nourriture et s'en vont. Et à chaque fois qu'elle se déplace, ces coléoptères qui, à ce moment-là, juste restaient au sein de cette colonie pour pouvoir grappiller des petites miettes, se collent sur l'abdomen de ces fourmis et, en utilisant leur mandibule, et prennent l'apparence, mais vraiment de manière saisissante, d'un abdomen de fourmis. Donc si vous voyez, par exemple, justement, une genre de fourmi légionnaire infectée, entre guillemets, par ces coléoptères, vous verriez tout simplement une fourmi avec 2 abdomens, ou 2 popotins, si vous voulez. Et ce qui est saisissant, c'est que cette forme-là, elle est très caractéristique. Elle est d'une certaine manière du mimétisme de l'abdomen de ces fourmis. Et on pense aussi qu'il est doublé par un mimétisme probablement de phéromones pour pouvoir ne pas être délogé. On appelle ça d'ailleurs, c'est des espèces comme ça qui vivent dessus et qui s'agrippent pour pouvoir être déplacées, des espèces phorétiques. Il y a une autre espèce qui est intéressante, c'est un poisson. On sait que c'est un espace que l'on connaît très très mal en termes de biodiversité, c'est un poisson des grandes profondeurs. Oui, découvert encore une fois profonde, comment on appelle ça, la fosse des Mariannes, tout à fait. Découvert entre 7000 et 8000 mètres, on pense qu'on aurait même vu un des poissons appartenant à cette espèce à 8143 mètres, si ce n'est qu'on a uniquement un enregistrement vidéo, donc on ne peut pas confirmer qu'il s'agit de la même espèce. Donc ça se trouve, il y a encore une autre espèce très très proche. Moi, ce que j'ai trouvé saisissant, c'est que ce poisson ressemble à un énorme tétard, mais vraiment. On va vous trouver une photo qu'on va mettre sur le fil Twitter. Pour la taille de ce tétard, bien entendu, on est dans quelque chose qui fait du 15 cm. Donc pour un amphibien, c'est gros. Pour un poisson, c'est relativement petit. Si ce n'est qu'on pense qu'il fait partie du top de la chaîne alimentaire. Et donc, ça doit être le plus gros prédateur local. Il est bien entendu totalement blanc. C'est très, très, très courant dans cette vie abyssale. Et du coup, il est capable de résister à des pressions jusqu'à 1000 fois supérieures à celle de la surface. Oui, puisque la pression est évidemment très, très, très élevée à ces profondeur-là. Un mot justement de l'espèce éteinte, de ce lion marsupial aux dents longues. Son nom c'est Wakaleo chuteni. C'est un lion marsupial, quelque chose de très très très marrant parce qu'on trouve beaucoup d'espèces marsupiales qui prennent l'apparence, si on les compare avec des espèces de mammifères placentaires, vous avez des chats marsupiaux, vous avez l'équivalent de taupes marsupiales. Il y a une sorte de phénomène de convergence évolutive très très très fréquent. Et ici on a un lion marsupial. Alors attention, pas de la taille de lion dont on a l'habitude, fait à peine la taille d'un chien husky, 25 kilos à tout donner, et avec des longues canines, mais probablement un régime alimentaire qui serait plus de genre omnivore et qui avait la particularité aussi d'être arboricole. Donc il faut imaginer un lion qui sautait de branche en branche. Et ça c'est qui remonte à quelle année? C'est des fossiles qui datent de quand? 23 millions d'années dans les forêts du Queensland, c'est-à-dire au nord-ouest de l'Australie. Et quels sont, donne-nous un aperçu de quelques autres espèces qui font partie de ce top 10? Alors, il y a quand même quelque chose d'assez intéressant. Moi, je trouve, parmi toutes ces espèces, il y a quand même des espèces, pas seulement animales, des espèces végétales. On a parlé de cet arbre tout à l'heure. Mais il y en a une qui est, moi, je trouve assez jolie comme histoire. C'est une sorte de petite fleur mauve et qui est donc une plante dépourvue de chlorophylle et donc incapable de créer sa propre matière. Et pour pouvoir créer sa propre matière, elle vit en symbiose, en mutualisme avec des champignons qui lui permettent justement de tirer du sol des nutriments tout en étant arborant des couleurs et des formes très très très jolies et qu'on a retrouvées au Japon. Voilà, le top 10, on va vous mettre, il y a quelques autres espèces, on va pas toutes les examiner, quelques autres espèces dont un coléoptère cavernicole, un eucaryote harponneur. Bref, on va vous mettre le lien vers ces espèces. Merci beaucoup Pierre. De rien, merci. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et pour conclure cette dernière table ronde d'actualité scientifique de la saison, puisque la saison va se conclure la semaine prochaine, et une table ronde de haute tenue après les dauphins frotteurs et après les espèces étranges de Pierre Kerner, où nous allons parler de la première nation spatiale humaine qui, depuis le 1er juin, a un président autoproclamé. Alors, je ne sais pas si c'est très bon signe pour la démocratie. Toujours est-il, qu'Asgardia, c'est le nom de cette nation spatiale, commence à prendre forme. Président, député, citoyen, chercheur et Olivier Lascar, qui est évidemment membre de cette société assez étrange. Je vais nous dire un mot, vous avez mis votre costume de Starfleet pour nous en parler aujourd'hui. Alors écoutez, moi je suis pas membre, mais c'est très facile d'être membre. Et on a une journaliste de l'équipe à Science et Avenir qui est devenue membre d'Asgardia, puisqu'il suffit de quelques clics sur le site officiel d'Asgardia pour obtenir la nationalité. C'est un pays virtuel, on l'a compris, qui se veut la première nation spatiale. Effectivement, c'est une initiative qui peut paraître de prime abord assez loufoque, qui nous vient d'un homme d'affaires russo-azerbaïdjanais qui s'appelle Igor Achourbeli, qui a fait fortune avec la société qu'il a fondée en 1988. Il l'a fait au bon moment avec la fin de l'Union soviétique, une société de logiciels informatiques qui s'appelle Socium, qui compte des dizaines de milliers de personnes d'employés de par le monde aujourd'hui. Il a fait beaucoup de sous avec ça, et maintenant, il a mis une partie de ses sous dans une autre société qui s'appelle l'AIRC, qui est en gros un institut de recherche international sur l'aérospatiale. Et grâce à ça, il finance ce projet d'Asgardia. Aujourd'hui, il veut que cet état spatial soit reconnu par l'ONU. Et il prétend qu'il a tout à fait le droit de demander à cette reconnaissance parce que Asgardia existe. Alors, existe un petit peu. C'est-à-dire ? Existe pas beaucoup. La première pierre d'Asgardia a été posée, ou plutôt elle a été envoyée dans l'espace, puisque en novembre 2017, à bord d'une capsule Cygnus, alors vous savez, ce sont ces capsules qui sont utilisées très régulièrement pour ravitailler la Station Spatiale Internationale, on met là-dedans les vivres, les équipements pour les expériences, etc. Et là, le jour de cet envoi par un lanceur américain, c'est important de le préciser, Antares, d'une société privée, il y avait dans la capsule un tout petit satellite de la taille d'une brique de lait. Un CubeSat. Et ce CubeSat, c'est ni plus ni moins qu'un disque dur de 500 gigaoctets de mémoire et qui est rempli des messages envoyés par justement ces fameux Asgardiens, c'est-à-dire ces quelques 200 000 personnes quand même qui ont obtenu la nationalité via le site web. Donc il y a leurs photos, il y a leurs petits mots, il y a leurs messages. Et ce CubeSat va être mis en orbite, va être lâché dans l'espace depuis la station spatiale dans quelques mois. Et donc, c'est du concret là. C'est tout petit, mais ça existe. Et en vertu de cela, Asgardia prétend pouvoir être reconnu par l'ONU. Ils ont écrit une constitution, ils ont un joli drapeau. Des armoiries même. des armoiries. Ils se réunissent donc, c'est ça l'actu là, immédiate, lundi à Vienne, en Autriche, parce que c'est là qu'est le siège de l'AIRC. Et pendant cette cérémonie à laquelle va assister notre journaliste de Sciences et Avenir, Sylvie Roith, pendant cette cérémonie, le brave, sympathique, charismatique, je ne sais pas trop comment dire, Igor Achourbeli va se faire proclamer président officiellement d'Asgard. Alors, c'est pas du tout. Il ne faut pas penser à une sorte d'Elon Musk ou de Jeff Bezos. Mmh. On n'est pas du tout dans le même look. Les vidéos de promotion d'Asgardia qui mettent en avant Monsieur Achourbeli sont assez contre-productifs parce qu'on est un petit peu dans Star Trek qui rencontre Borat. Oui. Bon. Donc ça, c'est bizarrement la vitrine de ce projet et qui la rend un petit peu ridicule, alors que derrière, il y a sans doute des intentions qui sont assez pragmatiques et terre à terre. C'est-à-dire, parce qu'il faut, on peut préciser aussi que Asgardia a été lancé en octobre 2016 dans les salons du Ritz à Paris. On peut pas dire que ce soit très non plus l'idée d'une démocratie bottom-up, comme on dirait dans le langage présidentiel courant. C'est un peu, on est plutôt dans du top-down là. Ouais, c'est pas Startup Nation. Non, c'est pas très, non. Peut-être un peu trop, je sais pas. Ouais, bref. Il est entouré de spécialistes de l'espace. Il est entouré du patron de la société NanoRanks qui fabrique les CubeSats, de juristes, d'un ancien astronaute roumain qui a volé sur le Soyouz. Et finalement, ça serait quoi son propos? Ça serait de dire, on veut un nouveau droit de l'espace. Le droit de l'espace aujourd'hui, il a été écrit en 1967. Par l'ONU, et il est dit par beaucoup de spécialistes comme obsolète. Il est de toute façon avant les premiers pas de l'homme sur la Lune. Et ce droit de l'espace, il fixe certaines règles qui disent par exemple que, je crois que ça a été évoqué pendant le journal de Zoé, qu'il ne faut pas militariser l'espace, qu'il ne faut pas s'accaparer des ressources premières qui viendraient de l'espace, qui seraient contenues dans les astéroïdes par exemple. Le droit minier. Le droit minier. Il dit aussi que l'espace finalement est considéré un petit peu comme la mer ou comme l'Antarctique, c'est-à-dire un lieu où chacun ou chaque nation peut se rendre, mais aucun pays ne peut prétendre avoir des droits particuliers sur cet endroit-là. Or, Asgardia, quand il lance son satellite dans l'espace, comme je le disais tout à l'heure, il utilise une fusée américaine. Et le droit de l'espace de 67 dit aussi que chaque nation qui envoie dans l'espace du matériel doit immatriculer ce matériel pour pouvoir rendre des comptes sur l'utilisation qui est faite de ce matériel. Donc ça veut dire que Asgardia, de fait, là, c'est une sous-traitance des États-Unis. Or, on est à une époque aujourd'hui, on appelle ça, je crois, maintenant le New Space. Il y a, mm-hmm. On voit bien avec les SpaceX, les lanceurs réutilisables, ouais. les discours, on en parle souvent, la méthode scientifique d'aller vers Mars et compagnie. Il y a tout un nouveau modèle, une nouvelle perception de la conquête spatiale qui est en train d'apparaître. Et ce qui se dit, et ce que disent des gens comme ceux qui sont derrière Asgardia, c'est que le droit en l'état ne peut pas permettre un bon développement entrepreneurial finalement dans l'espace. Et donc ils posent des questions qui n'ont pas de réponse aujourd'hui ou qui ont des réponses imparfaites ou qui ont des réponses qui tendraient plutôt à dire que Asgardia est une loufoquerie. Mais ces questions, elles sont forcément d'actualité et il a le mérite quelque part de les poser. Est-ce que il faut préciser que l'objectif hein, c'est d'envoyer des personnes, des citoyens de cette nation spatiale vivre en orbite. C'est-à-dire que le but c'est de construire quand même une sorte de cité spatiale. Alors c'est ce que dit Monsieur Achourbeli dans certaines de ses vidéos. C'est ce qu'il va dire aussi en conférence de presse. Il explique qu'on va construire une station spatiale en orbite, des satellites, des dispositifs qui vont protéger la Terre des éruptions solaires, des astéroïdes qui pourraient menacer notre planète. C'est là où le discours est complètement, ça vire au happening ou à l'exubérance d'un fan de SF et où c'est finalement le moins crédible. Mmh. Mais c'est un discours qui existe aussi et c'est une façon dont on peut aborder le scénario d'Asgardia. Mmh. Mais on l'entendait dans le journal de Zoé tout à l'heure sur cette notion du droit de l'espace. On voit bien que ce qu'est en train d'essayer de faire le président américain, c'est-à-dire de créer une Space Force, c'est-à-dire de militariser l'espace, c'est aussi en train de facto de pousser la communauté internationale à réagir et à bouger sur précisément cette législation qui est un peu obsolète. C'est là où la démarche d'Asgardia est vraiment dans l'air du temps et elle est caractéristique de questions qui vont être de plus en plus à l'ordre du jour. Il faut dire que ces premiers coups de canif dans le contrat datent d'Obama, puisque c'est Obama qui, en 2015, a signé des décrets qui tendent à poser comme légal le fait que des sociétés américaines, justement par rapport au droit minier, s'accaparent des ressources minières qui viendraient d'astéroïdes. Des choses qui n'étaient pas possibles avec le traité de l'espace de 67. Donc voilà, on arrive à ce moment-là où, passé l'euphorie des réussites comme celle des envois de SpaceX, de la Tesla, il y a le côté showbiz et marketing qui a pris tout le devant de l'espace pendant un certain temps. Et maintenant, on rentre peut-être dans le dur des problématiques que ça pose. Des problématiques effectivement plus juridiques, plus philosophiques. On arrive dans les dernières minutes de cette émission. Cécile Lestienne a malheureusement dû nous quitter un peu en avance. Mais messieurs, peut-être un mot d'une actualité dont nous n'aurions pas parlé, qui vous semble intéressante de suivre ou que vous voudriez indiquer à nos auditeurs, Olivier ou Pierre ? Moi, j'invite les gens qui ont lu Moi Parasite. Il y aura un café bibliothèque qui aura lieu à l'université Diderot mardi prochain. Donc, le mardi, je crois que c'est le 27, si je ne m'abuse. Ça doit être, je vais vous dire ça tout de suite, le 26. Le mardi 26, donc à l'université Paris Diderot pour un café bibliothèque de 1h à 2h pour discuter du livre. Alors, moi, j'invite les auditeurs qui pourront le faire à converger vers Toulouse début juillet, dans la première quinzaine de juillet, puisque Toulouse va être la capitale européenne des sciences, puisqu'elle va accueillir le festival de l'ESOF, E-S-O-F. Alors il y a des conférences peut-être pour un public assez professionnel ou scientifique, mais à côté de ça, il y aura presque un ESOF off avec un festival qui s'appelle Science in the City et pendant lequel on peut s'inscrire à plein d'activités, une visite géologique de Toulouse. J'ai relevé aussi la visite d'une maquette géante qui prend la forme d'un colon. Donc c'est le voyage fantastique à Toulouse. D'accord. Et voilà, c'est vraiment, je pense, un endroit... Donc les visiteurs rentrent dans le colon. Voilà. Oh, c'est pour rentrer dans un colon, il faut aller à Toulouse. Pourquoi est-ce que je me surprends que vous réagissiez à ce genre d'information, Pierre? Oui. Bon, en tout cas, vous... C'est très Pierre. On va s'arrêter là. Hop. Merci beaucoup. On va mettre en tout cas les liens sur le fil Twitter de l'émission. Merci beaucoup à tous les deux. Un mot peut-être sur la couverture du numéro d'été aussi de Science et Avenir. Olivier. Alors Science et Avenir fait sa couve sur les capacités du cerveau. C'est le numéro de juin. C'est le numéro de juin. Et on a un numéro en juillet, un numéro en août. D'accord. Le numéro de juillet, vous avez qui sort dans pas longtemps. Vous avez une idée de la une, vous en souvenez? Le numéro de juillet. Allez, mémoire. On va parler d'Égypte. On va parler d'Égypte. Et un hors série également. Alors un hors série formidable, Crime et châtiment au pluriel, contrairement à ce qu'avait fait Dostoïevski, où on explore plein d'histoires très formidables, très polars. Ozzy, l'homme des glaces a-t-il été tué? Comment la science a raffiné la torture dans le cerveau des tueurs en série et le cybercriminel nouvel ennemi public. Voilà, ça c'est des lectures parfaites pour vos vacances, pour la science, donc sur l'intelligence sociale des dauphins, c'est également le numéro d'été. Pierre Canard, toujours Moi Parasite, une lecture qu'on vous recommande pour vos vacances, c'est chez Belin. D'ailleurs, des nouvelles aussi de votre site, il y a des publications, des choses. Sitôt que je rentre, je vais publier justement ces 10 nouvelles espèces sur Strange Stuff and Funky Things. Et puis, toujours un mot pour vous dire que, comme chaque semaine maintenant, depuis mercredi, le dernier numéro des Idées Claires, la vidéo et le podcast natif pour débunker, pour faire leur sort aux régimes de fausses et de désinformation est consacré cette semaine à la question des véhicules électriques. Les véhicules électriques sont-ils des véhicules propres? Merci à tous les deux, à tous les trois. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, à Vétienne, Antoine Beauchamp, Nemine Guette-Saint-Vulfranc, Céline Lausanne, Sarah Igemans, Lise Combe qui a été toute cette semaine à la réalisation et Jacques Hubert à la technique. La suite de vos aventures sur France Culture dans un instant, c'est le magazine de la rédaction, Erdogan, le retour d'un sultan. Tout à l'heure à 18h20, comme tous les vendredis, du grain à moudre en direct du café Le Bel Air à la Maison de la Radio. Crise migratoire, crise politique. Et puis pour ce qui nous concerne, eh bien, la semaine prochaine, ce sera la dernière semaine de cette deuxième saison de La Méthode Scientifique. Et oui, déjà, un programme tout feu, tout flamme. On va vous parler lundi des baleines, pas les dauphins, mais les baleines. Mardi, on parlera de la pratique de l'astronomie amateur, comment regarder les étoiles et notre système solaire depuis le jardin et les nuits estivales. Mercredi, on parlera des algorithmes prédictifs. Jeudi, nous recevrons David Cage, le patron de Quantic Dream, réalisateur de jeux vidéo qui vient de sortir un jeu qui s'appelle Detroit Become Human à propos des androïdes. Et puis vendredi, ce sera comme, eh bien, comme la saison dernière, de la SF plein les valises. Vous allez retrouver Olivier Lascar, Cécile Lestienne, plein d'intervenants de La Méthode Scientifique pour parler de votre programme de lecture de science-fiction pour l'été. Voilà, demain, Étienne Klein à 16h, les femmes et la science. Nous, on se retrouve lundi à 16h jusqu'à preuve du contraire.